médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi aux autres, bien entendu, et plus que jamais, vous entraînant plus fort, j'entends rien. Et bien, ce mag d'actu tout terrain qui est enregistré le mercredi à midi en direct, rediffusé à 19h et le jeudi à 8h, va aujourd'hui être consacré à son statut temporel, une émission entre deux tours, comme on dit, comme on peut dire aussi dans les quartiers. On va parler de hip-hop, on va parler d'antiracisme. On va revenir finalement en fait à une petite un petit historique très subjectif du rap français engagé contre le racisme, l'État et les violences policières depuis plusieurs décennies de sa création, à l'occasion de la sortie d'un morceau qui va faire beaucoup de bruit. Il est sorti le 2 juillet dans cet entre-deux-tours. 20 rappeurs en 9 minutes 43 contre le RN. Le morceau s'appelle No Passaran et il a été constitué par DJ Core, qui a réuni autour de lui autant Fianso, Zola, Uzi, Mac Taylor, Al Capote et des anciens Akhenaton, Demi Portion et aussi Seth Gecko. C'est une habitude qui n'est pas si courante, mais qui a déjà existé. On va revenir sur ces morceaux un peu fleuves qui ont existé souvent contre le racisme ou aussi parfois contre la censure. Et ça va permettre d'écouter aussi pas mal de morceaux grappillés à droite à gauche de manière totalement subjective et très très improvisée. Le titre de cette émission, c'est Un bon gauche dans ta droite. On commence tout de suite par ce morceau, donc No Passaran, qui est un petit peu le coup de cœur de la semaine, comme on dit par ici. Les guerriers du monde pour les guider, vite y'a personne pour les faire. Je veux me cramer pour mes idées libres, je veux me cramer pour mes frères. Le doigt en l'air pour les sistras, c'est news dans l'angle mort. Secoue ces tremblements, fuck le rassemblement. Un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Y'a quoi dans le coffre de la Benz? Y'a quoi dans la poche de ma veste? Tout ça à cause de ma face. Mange un contrôle facile. Pour les petits frères on s'inquiète. Ils se font tamponner en veste. Moi veulent pas la paix mais la guerre. Pour ça que les riches ne restent pas. Y'a j'propose un octogone à Bardella. Ferme les frontières mais la dope remontera de Marbella. Quand même. Donc ouais c'est pour ça que j'ai les ken. Donc ouais c'est pour ça que j'ai la peine. Donc tous les jours fuck le RN. C'est déjà, c'est on n'est pas différent mais faut différent. Pas différent mais faut différencier. Lève-toi va voter, faut pas rester assis. Voir que c'est nous la France et bâtarissons. Voir que c'est nous la France et bâtarissons. Si tes pensées racistes va les mettre dans ton cul. Ils vont péter un câble, je vais voter à gauche. Mais c'est pas que pour la Lega du Cana. Lega du Cana. Ils ont tenté de nous sous-informer, fais pas genre t'as pas remarqué là. Je fais la passe que vers la gauche, qu'elle soit en croque, soit en Margiela. J'ai pas le politicien, genre je fais pas trop le Mandela. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baise la mère à Bardella. Pour être honnête, moi j'ai jamais voté. Je suis de l'autre côté, les gars, je vote pas. Mais bon, je suis très étonné, leur programme me fait pas rigoler. Allez niquer vos mères, Marine et Bardella. Bientôt je me barre de là. Le raciste en pose quand sur la compo il va marquer les blases de grisou quand t'es Barcola. Anti-RN, façon tu les reconnais. Des affiches déchirées devant le collège. Minant inconscient, j'insultais le FN, mais je comprenais pas. C'était quoi le manège? Donc tout le monde veut faire le ménage. La France, tu l'aimes ou alors dégage. Les slogans supportés par des lâches. Qu'un porte-parole des mecs de mon âge. Y'a eu Kerry avant moi, Hero King squat avant lui. Après moi, qui viendra? Après moi, c'est pas fini. J'rap pour les quartiers de Marseille et les banlieues de Paname. J'rap pour tous ceux qu'on oublie. Dans les villages, les campagnes, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Tu peux demander à mon ex aujourd'hui qui est la plus triste. Les gars, faut se réveiller, quitte à mettre ses deux doigts dans la prise. Parce que l'histoire se répète, ça sent le crâne, mais dans la brise. Moi je connais rien de tout ça. Igor, hein, je suis de la salle, gênez-moi. Donc je vais pas me gêner, boy. Déterré, loué, Louis, si vous voulez savoir pourquoi on en est là. Déterré et Louis, si vous voulez savoir pourquoi on en est là. Leur projet c'est de nous faire croire que c'est eux les bons. Leur projet c'est de nous faire croire qu'on est dans le faux. Je comprends rien aux histoires de toutes ces élections, mais je sais que l'extrême droite se sert de ma déconnexion. Donc anti-RN. Faut choisir son camp, niquer le halal. Et comme faut voter, user. En bas du bloc, on nique le halal. Et comme on va se rassembler, voter comme quand t'achètes les albums. Faut faire les causes contre les fachos, as comme. Faut pas se laisser duper, c'est nous contre eux. Si ça te fait du bien, nique leur jeu. Faut s'intéresser, c'est ça le karaté. J'connais pas Le Pen, Marine, j'en connais une qui la pète le soir avec ses big narines. Si les fachos passent, j'vais sortir avec un big calibre sur les canines. Les petits niquent leur vie pour un peu dopamine. Ils nous vendent des belles paroles cellophanées. L'intérieur de leur âme est fané, ils méritent de caner. J'suis dans l'allée, j'revends ce qui fait planer. J'me suis nourri tout seul comme un grand garçon. Fuck, c'est tous des francs-maçons. Je me suis endormi le 29, calé devant BFM. Je me suis réveillé le 8 juillet, j'entends plus aucun bruit de crosse dans la tête, comme si j'avais voté Le Pen. Y'a plus nos darons, donc y'a plus du zin zin. On n'est pas bon qu'à amener la zin zin. J'ai la dalle, mais y'a plus de cré. Si je mourrai, y'a plus de mosquée. Ça veut sauter la mixité. Sans dignité, ils oublient que des champs à gagner la coupe du monde avec des fils d'immigrés. Des valeurs qui se perdent, c'est le bordel. Je suis obligé de donner mon avis. Ceux qui veulent renvoyer les darblés, dis-lui de commencer par Tanguy David. Le N veut pas que je traîne avec le pote Maxime que je connais depuis la récré. J'ai fait un cauchemar, j'ai oublié d'aller voter. Ils se plaignent de nos soeurs et de nos mères, mais eux-mêmes se voient la face. La jeunesse se lève pas voter, elle est scotchée sous frappard. Faudra se bouger, ça va péter, on a l'avenir entre nos mains. Les racistes d'hier et d'aujourd'hui seront les députés de demain. J'ai la triple nationalité, je peux pas choisir entre les trois. J'y mets les tripes, frérot, je m'agrippe, t'augmente tes chances quand t'y crois. Ça va la frappe dans tous les battes, couleur des cheveux à marine. Ils pètent la cesse et bête la farine, c'était pour leur narine. Le bandier donne son avis, mais t'es unhappy. La France était vichy, se remercier la Russie. Bardez-la par-ci, bardez-la par-là. Qu'il se barre de là ou pas, tout le monde me parle de lui. Hey, je suis borderline. Un vieux loup ne suit jamais la meute. Je ne voterai ni pour toi, ni pour toi. La grosse douille, c'est avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Le monde est contrôlé par des élus. La vérité, je sais plus avec quoi la faire rimer. Je n'enlève pas la bouche, je marche sur le tapis. Je m'en bats les couilles de ce que vous dites, vous n'arrêtez pas de nous mentir. Je n'enlève pas la bouche, je marche sur le tapis. Je m'en bats les couilles de ce que vous dites, vous n'arrêtez pas de nous mentir. Je recharge le Kalashnikov en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov. Nick l'imam Chalgoumi et ceux qui suivent le Chitana à tout prix. Marine et Marion, les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Nick tous ces députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Y'a rien de magnifique, nous on fait de la violence artistique. Font du mal à nos enfants, ils veulent nous injecter une puce dans le sang. DJ Core le commandant, on vient pour projeter une vue d'ensemble. Les racistes en rafale, je sais que les médias en raffolent. Je vois des corps au sol, l'être humain n'a plus de corazon. Espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang que tu consommes. Dans leurs ambassades, c'est le chétan qui les passionne. Ouais, la France c'est nous, fuck Eric Zemmour. Pas besoin de chercher des rimes, ils tournent à l'heure du tour. Tu sais que c'est ça qui est terrible, ils nous font des longs discours. La France advient l'Amérique, peur qu'elle tombe après les deux tours. Ils veulent tous faire un billard à trois bandes, avec du sale et du moche. Mais parfois ça foire, la boule noire atterrit dans la poche. 40 ans qu'on l'écrit, voilà, on en est là avec un seul candidat. Jordan, Uel, Macronard est là. 20 piges d'11 septembre, de Syrie, d'attentats et de faits divers miteux en boucle. Tous les jours dans les médias, l'État nous fait les poches, prend le fric. Avec on se fait taper par les flics et insulter en prime sur le service public. C'est pas sur un scrutin, au quotidien il faut combattre. C'est pas un candidat, c'est les idées qu'il faut combattre. Les années 30 et leur odeur font le comeback. Normal que chez Taniaou soit le plan qu'il y a sur leur contact. 2016 on était antiraciste et pacifiste avec les mêmes paroles maintenant. Complotistes, antisémites, le monde penche à droite et nos rêves. Leur clan les ont pendus, rien n'a changé, je préfère la main tendue au bras tendu. Donc y'aura des Zemmour, des Bardella, ce genre de spire, y'aura de quoi rapper. La lumière est mise, active ton vote, ça va déraper. Le rassemblement doit être rationnel, pas national. L'argumentaire est sans équivoque pour nos intérêts. Les urnes avant que ça brûle, ça urge, alors ça hurle. L'histoire se répète, c'est la même chanson. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi je kick fort et prends position comme il y a 20 ans. Si tu restes neutre, attends-toi à vivre un sale printemps. Fuck l'identitaire jeunesse affiliée à Dolpha. J'rappe pour les SDF habillés en Cosla. On a franchi la ligne rouge comme Prada, Linea Rosa. La France est devenue un vivier à chauffe à les bavures. Tous ces policiers adorent ça, ils veulent nous carchériser à l'eau froide ou nous carboniser à chaude flamme. Calage verbal, femme à soral, j'crache des balles sur flamme nationale. Voter RN, c'est comme une fémène qui veut être femme à soral. Laissez-moi faire, on a la méthode, un œil de moins pour le père à Marine. Y'a trop de couleurs, oui, dans nos ghettos. Nique les clones si le FN arrive, chute normale, j'dis ce que j'pense. Alors ta gueule, j'ai mes distances, mais qui nous ressemble, qui nous rassemble. On a des racines, donc j'ai mes réseaux. Les racistes votent, nous aussi. Et mon cœur est en Palestine. On reste fiers, c'est nos principes. Et mon cœur est en Palestine. On arrive à lancer, on crée l'ouverture. Yeah. On te met un but, on a une astuce. On te pose un 8, mais j'en veux toujours plus. Ouais. J'suis partout chez moi, sachant qu'ils ont fait partout chez moi. J'suis étranger d'après des étrangers qui viennent de chez moi. On m'a dit que j'étais un handicap. J'suis noir et fier comme tonton Nat. Réveille-toi, c'est dans nos pattes que l'ange de droite se déguise en diable. Tout marche à la peur, cousin, fais-toi pas avoir. T'es au RSA, la vie est chère, mais on nous montre du doigt. Ça part en couille, fais ton job devant les urnes. Ils veulent la guerre, il faut que ça dure, ce n'est qu'une marche avant la purge. La douleur du Tennessee s'est immiscée dans cette missive. J'ai initié au MIC, un missile glissé dans l'hémicycle. Jamais sous NSI, je récite ma haine contre leur électorat. Leur rectorat, pour ceux qui ont un cœur dans le thorax, c'est sous le pectoral, viens sur ces murs. M'en réfléchis que je dis que tous les tags du RN doivent être suivis de NTM. Peine sur les murs, parce que ça reste le FN. Fondé par un WAF, un SS. Et toi tu vas voter ces merdes parce qu'on a jamais SS. Yeah. Jamais de la vie on votera RN. Déjà c'est une dinguerie, je vote. Dehors y'a tous mes potes qui se démènent. C'est les fils d'immigrés qui bossent. Les faves ça fait 10 ans, je les fume dans toute la ville. Aujourd'hui c'est les urnes. Mais le front populaire faut bien le tenir dans toutes les urnes. Vive la Palestine, la scène au jour d'un. Faut que Jordan c'est une marionnette. Venez on sort les baïonnettes. Si la gauche passe, on fera des baïonnettes. Enfin je crois à sa mère, faut pas qu'il passe. Y'a mon pote sous OQT. F casual OT, il baisse les faves. J'espère que t'as toutes les rêves. No Passaran, donc le nouveau morceau sorti cette semaine et qui regroupe pas mal de MC du moment. On va revenir un petit peu après justement à un autre morceau culte, 11-30 contre les lois racistes, où on verra un petit peu que bah, finalement l'écriture a changé aussi. La chronique un petit peu du quotidien qui est la base du hip-hop a changé et on entend des petites tentatives un peu maladroites de rappeurs pas très politisés qui pour l'occasion prendre le micro cette fois-ci. Alors bon bah voilà, il y a à boire et à manger, il y a un peu de tout, mais en tout cas un sursaut un petit peu pour essayer de remplacer en manif le rituel berrurier noir et le Front National qui ne veut pas devenir rassemblement. Un nouvel hymne peut-être. Une autre sortie de cette semaine, ce week-end plus précisément, plus DIY et plus LGBT, ce que vous remarquerez quand même qu'il y avait un rappeur et pas de rappeuse dans ce magnifique morceau. C'est Grâce et Volupté Van Van, c'est du côté de Toulouse. Ça fait une quinzaine d'années que ce duo officie dans le milieu du hip-hop un peu plus caché que les restas qu'on vient d'entendre. Pour l'occasion, elles se sont fendues d'un featuring avec une personne de Saint-Étienne que nous soutenons plus que tout, en la personne de Klaus Tinto. Le morceau s'appelle Méchante.e.s. Ça parle un petit peu de la même chose, mais totalement sous un autre angle. Voici donc l'autre sortie coup de cœur de la semaine. LGBTQIA+, bien sûr je prends tout au pied de la lettre. J'suis barré, je tiens la pose, j'suis pas carré mais triangrose. Je marche droit sur métronome, je kiffe être sur scène en binôme. Je touche pas terre, si elle est plate, je monte en l'air, j'ai des histoires. Je redescends pas, y'a trop de connards, ils font des zigs, ils font des hives. Vie de quelqu'un, victime de rien, ça fait que se plaindre des impôts. Ça dit de la merde, ça parle trop, ça lève qu'un bras sur les réseaux. Allez sortez les cordes de chasse, lâchez les quads pour des drive-by. Les faves font peur dans la police, les genoux qui tremblent, je relève la tête. Et tu te poussais dans les orties, moi aussi je suis complotiste. Laissez-moi vous annoncer que la fachosphère est plate. Leur cœur est froid, leur sang est bleu, oh bébé.

une juge te caresse. Et pour fêter ça, tu tires en état d'ivresse. Qui sont-ils? S'arrête le trafic et la contrebande. Beaucoup plus de flics, de prison et d'amende. Selon le dernier sondage de ta commande, tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades sur la menace de ces gangs et puis du djihad. Parle d'escalade, de violence et de balade avec brigade et télé sur nos esplanades. Promets aux Français malades ton aide. Leur dis que la meilleure méthode c'est la plus raide. Afin de terminer pour une fois d'en découdre avec ces voyous qui te vendent flingue et poudre. Qu'ils viennent sur les listes électorales et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose. Voilà ce que ton programme présidentiel propose. Qui sont-ils? De caser à l'instant sur le 8-9-5 pour bien définir le décor et bien camper les ennemis. On enchaîne tout de suite avec un autre hymne, cette fois c'est la Scred Collection qui s'y colle, Haroun et Mokless pour une célébrissime bouteille de gaz. L'Europe est devenue le paradis des immigrés. En provenance de tous les coins du monde, ils s'y déversent par millions pour y accroître le chômage, y créer l'insécurité, y procéder à une colonisation à rebours. Mais dorénavant, ce sont aussi les trafiquants de drogue, les terroristes et les immigrés clandestins qui pourront circuler en toute liberté sans être inquiétés. Peut-être qu'on reste cool, mais sur le biton gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secret connexion, un nom qui sort tout droit des rues de Paname. Deux siennes sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. Qu'on reste cool, mais sur le biton gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secret connexion, un nom qui sort tout droit des rues de Paname. Deux siennes sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. Je me passerai bien de ton pays de vachon, tes propos à balle deux. Je voudrais finir ma vie au soleil et mes clips en deux. Et mec, je suis pas le beurre qu'on tartine, ni celui qu'on baratine. C'est pas le paradis ici, parce que c'est l'argent qui domine. On se passera bien de ta France, qui nous expose aux sales influences, nous pousse au vice, mais c'est encore les mêmes qui payent la sentence. Je veux pas que mon fils grandisse là, je veux pas qu'il vive cette vie là, je veux pas qu'il puisse se dire ne serait-ce qu'une fois, mais pourquoi je suis là. On se passera bien de cette étiquette qui nous colle à la peau, la peur du pickpocket quand on pénètre dans le métro, la vigilance des gens. Tu crois que je la vois pas tous les jours, elle fait qu'amplifier ma haine, me la ramène pour un long séjour. Je me passerai bien de tous vos héros historiques, l'éducation nationale et ses enseignants alcooliques, diaboliques, et ce système qui dans la farine nous roule. Tout ça dans un pays qui aujourd'hui attire les foules. Peut-être qu'on reste cool, mais sur le biton gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secret connexion, un nom qui sort tout droit des rues de Paname. De sienne sur l'instru et c'est ton état standard qui crame. Qu'on reste cool, mais sur le biton gaz, on fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secret connexion, un nom qui sort tout droit des rues de Paname. De sienne sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. Ça on s'en passera, même un jour on se cassera. L'essentiel est de bien, mais si on est plein ça sera. Quand ça sera, tranquillement et en secret j'agis. Une situation ne change pas en un tour de magie. Je me passerai bien de ce doute, suis-je d'ici ou d'ailleurs. Le couscous ou la choucroute, la djellaba ou le tailleur. Ma véritable nation, j'y pense quand je suis seul. Moi je représente le piment, lui qui t'arrache la gueule. J'assure je me passerai bien de ces douleurs. Je mettrai peut-être un peu plus de couleur à la routine qu'on vit, mais n'effacerai jamais ma rancœur. J'assure je me passerai bien de ces rues où jour et nuit y règne le mal, où ségrégation et délinquance ils sont des actes banals. Morale à zéro ici, je vis l'amertume des tessis. Bientôt 20 piges, je me passerai volontiers de pourrir. Je me passerai bien de ces lois à double sens, donc tu te sers comme cachette. Car s'il y avait justice en France, ça ferait longtemps que t'aurais pris perpète. Perpète, perpète, perpète. Ouais. Haroun, Mokless, Scred, connect. Peut-être qu'on reste cool, mais sur le beat ton gaz. On fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secret connexion. Un nom qui sort tout droit des rues de Paname. De Sien sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. On reste cool et sur le beat ton gaz. On fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secret connexion. Un nom qui sort tout droit des rues de Paname. De Sien sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. On reste cool et sur le beat ton gaz. On fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secret connexion. Un nom qui sort tout droit des rues de Paname. De Sien sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. On reste cool et sur le beat ton gaz. On fait flipper la France comme la bouteille de gaz. Secret connexion. Un nom qui sort tout droit des rues de Paname. De Sien sur l'instru et c'est ton étendard qui crame. On va continuer le retour dans le temps dans cette émission spéciale Un bon gauche dans ta droite. Et on va revenir aussi à la censure qui a largement attaqué au fur et à mesure des années tous les rappeurs et rappeuses qui ont dénoncé notamment la violence policière. On pense bien sûr à ce très long procès de plus de 10 ans contre la rumeur qui a été initié par le ministère de l'Intérieur après la sortie d'un texte qui accompagnait l'album L'Ombre sur la mesure. On pense aussi à Sacrifice de poulet, morceau du ministère amer qui est sorti dans la musique inspirée du film La Haine. On est en 1995. Cet album est aussi un résumé, une compilation de morceaux issus de la banlieue parisienne très majoritairement qui parlent de ce sujet, la violence policière contre les immigrés et leurs enfants. Je vous propose un autre hymne, puisqu'on est dans les hymnes, l'État assassine, c'était Assassin, 1995. Un exemple, Marie-Kouziki. Marie-Kouziki. Marie-Kouziki. On a été victime. Vous voulez qu'on reste chaîne votre état policier. Vous nous dites que tous les flics ne sont pas mauvais, que si la police n'était pas là ce serait pire encore, que la société a besoin de vous sans compter ses morts. Mais c'est fini, le peuple se réveille et nous demandons des comptes. Le pouvoir judiciaire doit prendre au sérieux ce que l'on raconte. Amour de l'ambiance quand la bavure frappe. La police et l'armée sont des gangs organisés dont je prends mes marques. Un exemple, un comportement dans les émeutes du 18ème. Ils frappent les jeunes, les vieux, les enfants afin que l'ordre règne. Nous sommes base pour le chapitre des enculeries politiques, financières, policières. Le business des affaires est prospère quand ils se règnent dans les couloirs des ministères. Et pendant qu'assassin est censuré quand il s'exprime, le gouvernement est à la tête d'un état qui assassine. D'un état assassine. Le gouvernement est à la tête d'un état qui assassine. La police est comme un con. D'un état assassine. Ma commune en a été victime. La police est comme un con. D'un état assassine. La loi va être victime. Paix à toutes les victimes. Et je parle des bases en policière. Oui, mon frère, quand dans un éclair tout s'arrête. Quand tu prends une bastos en pleine tête par les responsables du maintien de l'ordre public. De l'ordre public ou de l'ordre politique. Du délire d'un flic où l'erreur est humaine. Alors moi aussi, dites-moi, je dégaine. Le crime, est-ce un produit du système? La haine appelle la haine si ton esprit se referme. Le doigt sur la gâchette, mon front transpire. Mon cœur bat plus vite. Mes pulsations s'excitent, le sang coule dans mes yeux. Mais je mérite mieux. Pourquoi le shooter lui et pas un autre? Si je shoote ce keuf, je devrais shooter les autres. Mais ce sont les hommes, ça y est, ma tête explose. Toutes tes valeurs s'entrechoquent, car la question que je me pose est: doit-on répondre de la même manière aux violences policières? Mais je ne changerai pas le cours de l'histoire si je shoote un commissaire. Si il a buté mon frère, ça pourrait me satisfaire. Mais le cul entre garderies, il ne restera que la prière. Oh shit! Ma personne s'excite et mes doigts sur le calypso, moi tremble et s'agite. Les secondes paraissent des heures. Et l'odeur de l'acier dans ma main a un goût de rancœur. Tant pis je shoot, tant pis je shoot. Je n'en ai plus rien à foutre, dans ma tête il n'a plus de doute. Squad, réveille-toi, redescends, refais. Vas-y, calme-toi. Mais mec, pas un rêve, putain de cauchemar. J'étais en train de shooter un cœur. Shooter un cœur. L'État assassine, un exemple mal écouté. La police est comme un con. L'État assassine, ma commune, on a été victime. Nous, radio associative de la Ferraroc, ne pouvons concevoir que la France soit gouvernée par l'extrême droite. L'existence même de nos radios associatives est le fruit d'un mouvement politique et populaire inverse de celui qui nous menace. Ce mouvement, qui a autorisé nos radios, anciennement pirates, à exister, avec les radios commerciales, en partageant la bande FM, avec les anciennes radios de l'ORTF, est sur le point de se retourner. Alors que les radios publiques sont déjà fragilisées, les radios associatives et citoyennes que nous sommes n'ont que peu de chances de continuer librement à être autorisées et aidées par un État aux mains de l'extrême droite, peu soucieuse des questions de liberté associative, de liberté de presse, de concentration et de pluralisme. Nous sommes des espaces de rencontre où la parole est donnée à toutes les personnes, associations culturelles, initiatives citoyennes et minorités. Nous sommes aussi des actrices de l'indispensable éducation aux médias et à l'information. Nos radios sont plurielles, inclusives, féministes et antiracistes. Nous croyons sans sourciller que les transitions écologiques et sociales sont possibles pour rendre notre monde durable et qu'il doit être pensé comme un commun. Contrairement à ce qu'on essaye de faire croire avec l'extrême droite, les difficultés matérielles que certains et certaines d'entre nous vivent ne sont en aucun cas à mettre sur le compte des plus précaires et des

défense de prier, ça colle pas dans le décor. Y'a toujours un goût de 11 septembre, un goût de cendre et de mort. Quand les penseurs collaborent, englobent les gens dignes dans les torts de ceux qui se disent de Dieu à tort. Tout est relié du sort des gosses dans les quartiers à leurs parents, main d'œuvre immigrés, bon marché à leur foi qu'on savait tolérer. Tant qu'elle était pratiquée dans les caves d'immeubles ou les baraques de chantier. 2008 danger, la France a changé. Une histoire coloniale plus tard, gérer l'invasion des barbares. La moindre fracture pour une caricature. Nous et ses oives ne sommes vraiment pas de même nature. Et si on est français, ils comprennent pas. Passe papy dans l'armée, ratonner le bico à la caspa. Parole de colon, parole de colon. De voleurs de terre, de criminels, de chasseurs de melons. Parole de colon, parole de colon, parole de colon. Parole de colon, parole de colon, parole de colon. Parole de colon, parole de colon, parole de colon. Parole de colon, parole de colon, parole de colon. Un bon gauche dans ta droite, et c'est la fin de cette émission. J'avais envie de finir quand même en lisant un petit papier qui traîne ici à la radio depuis quelques jours. Un papier qui, je pense, émane d'une personne qui a mal vécu cette pression à vouloir à tout prix voter, qui peut-être n'avait pas spécialement envie de voter pour un candidat PS, même espampillé pour le nouveau Front Populaire, hein, une personne qui en tout cas ne sent pas l'envie de déléguer sa voix à d'autres voix. On peut te conseiller, t'éclairer, mais personne ne doit décider pour toi. C'est pourquoi j'avais envie de finir par dire, bien entendu, que quel que soit ce que vous décidiez dans les prochains jours, quelle que soit la suite qui va sans doute être pas facile dans les prochains mois. N'oubliez pas que des rassemblements existent régulièrement, qu'il y a des manifs aussi en soutien à Gaza qui sont des lieux de convergence contre le racisme en général, et que ces manifestations-là sont de plus en plus importantes. Bien entendu, elles l'ont toujours été et elles le resteront. Je finis donc par un tout dernier morceau, un hymne Antifa de Manif, extrait de la compile Resisto 2. C'est une compile de soutien qui avait été produite il y a quelques années par des rappeurs antifa et rappeuses anarchistes de toute l'Europe. Et j'ai choisi un morceau collectif de Kuba Kabal et Micro Plateforme. Ça s'appelle tout simplement Antifa. C'est sur ces notes que je vous quitterai. Et je vous dis encore plus que jamais, prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. Patti chiari, miccia corta. Governo porta a porta, come la Folletto. Che ha fumato il cioccolato, che ha rubato nel cassetto. Lo zecchino, oh no, rosicchiate il contorno. Venerate il porco come un santo volto. Pellegrini digitali, extraterrestri dentro casa. Stupidi, stupidi da mille colori, alla ricerca degli antichi sapori. In tempi non sospetti, tra pizze e merletti, giudici e confetti. Il gioco è finito, le porto i miei sospetti. All'ombra della nulla tenenza, la paura sale con violenza. Precari del mondo uniti per l'indipendenza. Monopolio di un manipolo che ci divide nelle nostre vite. Uomini di storie ardite, come distruttori con l'amore dei cuori. Per un giorno di gioia, cento di dolori. Allerta, allerta, status, piazza, abuso, status killer. Allarme, allarme, status killer. Stato di abuso, allerta, allerta, antifa, antifa, antifa, antifa. Allarme, allarme, allerta, allerta, antifa, antifa, allerta, allerta, antifa, antifa, antifa. Allerta, allerta, antifa, antifa, allerta, allerta, allarme, allarme, allerta, allerta, antifa, antifa, allerta, allerta, antifa, antifa. Musica dal basso, fuori dalle logiche del profitto. Rap militante, alimentiamo il conflitto. Nessun polso in divisa mi potrà fermare, nessuna legge mi potrà intimidire, perché questo è il suono della rivoluzione. Dal basso in braccio il mio microfono, microfono, microfono, microfono. Musica e cultura per la mia gente, per chi non si vende, per chi non si pente. Dai, dai, freestyle, freestyle, dai, col freestyle a tamburo patente. Rima dopo rima, esperienza collettiva. Contro chi ci vuole zitti, siamo uniti più di prima. Resisto due, rap militante dal basso. Ascolta e diffondi, alimenta il conflitto. allarme, allarme. Stato di abuso, stato di abuso, status killer, stato di abuso. Allerta, allerta, killer, status. Allerta, allerta, allarme, allarme, killer. Allarme, allarme, killer, status. Allarme, allarme, allarme, allarme. Allerta, allerta, status killer. Allerta, allerta, allarme, allarme. Allerta, allerta, allarme, allarme. Allerta, allerta, allarme, allarme. Allerta, allerta. Antifa, antifa. Allerta, allerta, antifa, antifa, allarme, allarme, stato di abuso. Allerta, allerta, antifa, antifa, antifa, antifa. Allerta, allerta, antifa, antifa, antifa, allerta, antifa. Allerta, allerta, antifa, antifa, antifa.